Thank you.

Hey! déjà le concert au Ah film. ouais, c'est clair, maman est riche. Monnaie, monnaie. Ah merde, j'ai enregistré mais je crois que c'était pas assez puissant.